Voici une nouvelle aventure de Nimbus et Mirette. Tu sais, les deux souris qui ont vaincu la terrible sorcière Nécrochu. Eh bien, nous allons les retrouver aujourd'hui dans une histoire tout aussi passionnante. Cette histoire, qui dure à peu près 45 minutes, a été divisée en 4 chapitres. Tu pourras donc, si tu le veux, écouter ce conte en une seule fois ou bien l'arrêter après chaque chapitre et le reprendre plus tard. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te guider tout au long de l'histoire. Bon, mais il est temps maintenant de laisser place à l'aventure. Voici donc le premier chapitre. Nimbus et Mirette, deux petites souris, ont décidé par une belle journée d'été ensoleillée d'aller se promener au bord du lac bleu. C'est un lac immense et nos deux amies n'ont pas encore exploré toutes ses rives. Aussi, c'est tout naturellement qu'elles se dirigent vers un rivage inconnu. L'air est doux et agréable au bord de l'eau. Les saules, de leur ombrage feuillu, les protègent des rayons ardents du soleil et les innombrables papillons virevoltant au-dessus des buissons fleuris ajoutent une note colorée à ce merveilleux paysage. Oh, Nimbus, quel joli panorama! Et tu as vu toutes ces fleurs? Je vais pouvoir en ramasser un beau bouquet pour décorer ma maison. Tu as raison. Nous n'étions jamais venus dans cet endroit auparavant. C'est magnifique. Arrêtons-nous un peu à l'ombre de cet arbre. Avec cette chaleur, ça nous fera du bien. Oh, volontiers, Mirette. Rien ne nous presse. Et puis regarde, j'ai emporté un morceau de biscuit. Nous allons le partager. Nos deux souris s'assoient donc au pied d'un grand saule pleureur. Nimbus, sortant de sa poche un biscuit, le partage avec Mirette. Et ainsi, confortablement installées, elles grignotent tranquillement leur gâteau à l'ombre bienfaisante du grand saule. Autour d'elle, tout est calme et paisible, et rien ne vient déranger ce goûter improvisé. Nos deux amis, momentanément rassasiés, le dos bien calé contre le tronc de l'arbre, contemplent alors le superbe paysage qui s'offre à leurs yeux. Sur la rive du lac poussent à perte de vue des fleurs multicolores, d'où résonne le bourdonnement léger mais incessant des abeilles. Au-dessus des fleurs, les papillons toujours aussi nombreux accomplissent leur éternel ballet silencieux interrompu parfois par le vibrant vol d'une libellule dorée. Plus haut encore, des oiseaux évoluant dans le ciel bleu azur chantent et sifflent une douce mélodie. Tandis que sur le lac règne un calme suprême, simplement troublé de temps à autre par le cri strident d'un héron prenant son envol ou par le saut audacieux d'un poisson hors de l'eau. Parfois, le bruissement imperceptible des roseaux annonce l'arrivée d'une douce brise rafraîchissante, bien-être passager par cette chaleur estivale. Dans ce climat si apaisant et si serein, nos deux amis, ayant fermé les yeux, sombrent bientôt dans une douce et agréable torpeur. Puis elles finissent par s'endormir profondément. Nimbus rêve que des ailes lui poussent dans le dos. Alors, prenant son essor, le voici bientôt survolant le lac. C'est encore plus beau vu du ciel, se dit-il. Mirette, quant à elle, rêve qu'elle est un poisson. Et la voici nageant dans le lac au milieu d'autres poissons. Il fait bien plus frais ici, se dit-elle. Et les voici donc tous deux partis dans un profond sommeil au pays des songes. Mais ceci est de courte durée car elles sont soudain réveillées par un vacarme assourdissant. Un groupe de grenouilles coasse à gorge déployée. Quoi, quoi, quoi, quoi? Je m'appelle Andira, ce nénuphar est à moi. Premier prix de saut en longueur, je surpasse toutes mes sœurs. C'est bien moi qui suis la meilleure. Ce nénuphar est à moi. Les autres n'y ont pas droit. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Je m'appelle Manura. Ce nénuphar est à moi. Excellente nageuse. Je sème même les plus fameuses des grenouilles barboteuses. Ce nénuphar est à moi. Nul autre ne l'aura. Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, quoi, quoi? Je m'appelle Carota. Ce nénuphar est à moi. Je suis une combattrice hors pair et vos cris m'exaspèrent. Je vous ordonne de vous taire, ce nénuphar est à moi, car j'ai la plus belle voix. Quoi, quoi, quoi? Arrêtez, silence! Vous troublez la quiétude de ce lieu avec tous vos cris. Vous avez raison. Bon, puisqu'il en est ainsi, je propose que ce soit vous, petite souris, qui preniez la décision de savoir à qui appartient vraiment ce nénuphar. Eh bien, mesdames grenouilles, cette histoire me paraît bien embrouillée et nous serait bien difficile à Mirette et à moi de choisir entre vous trois. Aussi, je propose tout simplement de nous remettre ce nénuphar. Ainsi, personne ne sera désavantagé et il n'y aura pas de jalousie entre vous. Voilà qui est bien raisonné, Nimbus. Et je vous signale qu'à deux pas d'ici, j'ai aperçu tout un ensemble de cette belle plante aux larges feuilles que vous appréciez temps. Vous avez fait preuve de sagesse. Nous vous laissons donc ce nénuphar et nous allons partir tout de suite à la recherche de cet endroit. Au revoir et merci pour tout, petite souris. Nous sommes l'espoir de la chanson. À longueur de journée, nous croissons la courroie chanson. Même si parfois nous agaçons, nous amis les poissons, nous croissons la courroie chanson. Dans toutes les mares, sur les nénuphars, nous chantons jusqu'au soir. Tout à l'unisson, sur le même ton, la courroie chanson. Nous sommes les stars de la chanson. Même si parfois nous agaçons, nos amis les poissons, nous croissons la courroie chanson. Grande bavarde, infatigable, nous chantons sans raison, notre unique passe-temps. Les grenouilles bondissant dans les hautes herbes filent dans la direction indiquée par Miret. Nos deux souris restent seules devant le nénuphar. Ouf, le calme est revenu. Tout ceci pour un nénuphar. Oh, ça alors. Oh, mais ça me donne une idée. Que dirais-tu, Miret, d'un tout petit tour en nénuphar sur le lac? Il me suffit de couper deux morceaux de ce roseau pour faire des rames et nous voilà partis. Oh oui, Nabus! Moi qui ai toujours rêvé d'une promenade au fil de l'eau. Et puis aujourd'hui, avec ce temps magnifique, ça sera sûrement bien agréable. Allons-y! Nabus coupe le roseau et en fait deux rames. Puis, tirant le nénuphar près du bord, il fait monter Mirette et ensuite s'y installe à son tour. Et les voilà naviguant bientôt sur le lac. Fin du premier chapitre. Par cette belle journée, une promenade sur le lac, ça c'est une bonne idée. Mais ce climat si paisible va-t-il durer? Tu le sauras en écoutant le deuxième chapitre dès maintenant, ou alors plus tard, si tu le veux.